sentir qu'elle est nourrie, c'est bien. C'est pas faute moi si j'en dis, le pas ni bon la vie. Pas blairé, ça qui rongé. Let's go.